Je suis de Skinoien. Pas de maison, pas de chien. Un nomade des grands chemins. Mon sac et ma guitare dans les mains. Toute la journée à marcher. Sous le soleil du Nevada. Des camions peuvent s'arrêter dès que je mets mon pouce tout droit. Je suis sur la route encore. Et je suis américain. Vagabond, tel est mon sort. Solitaire des grands chemins. Solitaire du grand chemin.